Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 27. Du principal acte de la charité, qui est de l'amour. Acte principal, aimer plutôt qu'être aimé. La charité et la bienveillance. Dieu doit être aimé pour lui-même. Comment il peut et doit être aimé dans cette vie? Lequel est plus méritoire d'aimer un ami ou un ennemi, Dieu ou le prochain? 1. Est-il plus essentiel à la charité d'aimer que d'être aimé? La charité consiste à aimer, être aimé n'est pas son acte. On loue un ami parce qu'il aime, plutôt que parce qu'il est aimé. Une personne est-elle aimée sans aimer? On la blâme. Voyez si les mères, dont l'amour est le plus tendre, ne cherche pas plus à aimer qu'à être aimé. En un mot, il est plus essentiel à la charité d'aimer que d'être aimé. 2. L'amour de la charité est-il la bienveillance? L'amour de la charité comprend la bienveillance, mais il y ajoute une union affectueuse avec l'objet aimé. 3. Dieu doit-il être aimé pour lui-même dans la charité? Examinez les causes d'après lesquelles on peut aimer une chose pour une autre, vous verrez que Dieu doit être aimé pour lui-même. Dieu se rapporte-t-il à une cause finale? Non, il est, au contraire, la fin dernière de tous les êtres. Donc il ne doit pas être aimé pour une autre fin que lui-même. A-t-il une cause formelle qui lui donne sa perfection? Non, il ne doit son excellence qu'à lui-même, tous les autres êtres tiennent leur bonté de la sienne. Donc il doit être aimé à cause de sa bonté même, qui le rend infiniment aimable. A-t-il une cause efficiente qui lui ait donné l'existence? Non, il est lui-même sa raison d'être. Donc encore on doit l'aimer pour lui-même. Quant à la cause dispositive, qui se résout dans la cause matérielle, Dieu peut être aimé pour autre chose que pour lui-même, dans le sens que certaines choses nous portent à l'aimer davantage, par exemple, les bienfaits que nous en avons reçus, ceux que nous en attendons, et même les châtiments que nous voulons éviter en nous attachant à lui. Note. L'espérance et la crainte conduisent à la charité par manière de disposition. Fin de la note. 4. Pouvons-nous, en cette vie, aimer Dieu immédiatement? La connaissance de Dieu est appelée énigmatique ici-bas, parce qu'elle est immédiate, aussi sera-t-elle remplacée par la vision intuitive, mais la charité, qui ne sera pas détruite, atteint Dieu directement. Bien différente de la connaissance de Dieu, elle se porte immédiatement à Dieu même, et elle aime les créatures par son intermédiaire. Note. La connaissance part des créatures pour arriver à Dieu, la charité part de Dieu pour arriver aux créatures. Fin de la note. 5. Dieu peut-il être totalement aimé? Cette question présente trois sens. Le mot totalement se rapporte-t-il à Dieu même? Dans ce cas, Dieu doit être aimé totalement, car nous devons aimer tout ce qu'il est. Se rapporte-t-il au sujet aimant? Dans ce sens encore, nous devons aimer Dieu totalement, c'est-à-dire de tout notre cœur, et lui rapporter tout ce que nous possédons. Signifie-t-il que la mesure de l'amour doit égaler la bonté de l'objet aimé? Dieu est infiniment aimable, nulle créature ne peut aimer infiniment. 6. Faut-il que l'amour de Dieu ait une mesure? Saint Bernard disait, le motif d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même, la mesure de notre amour, c'est de l'aimer sans mesure. Jamais on ne se conforme trop à la règle qui conduit à la fin que l'on se propose, et jamais on atteint trop bien la fin qu'on doit avoir en vue. Or la règle de toutes nos actions et de toutes nos affections, C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à notre fin dernière. Plus on aime Dieu, plus l'amour est parfait. Note. Un moine écrivait à Saint Augustin, « Dites-moi, je vous prie, quelle est la mesure de l'amour, car je crains d'être enflammé pour mon Dieu plus ou moins qu'il ne faut. » Le saint docteur répondit, « La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur. » Fin de la note. 7. Est-il plus méritoire d'aimer son ennemi que son ami? On peut envisager l'amour de deux manières, par rapport au prochain que l'on aime, et du côté de la raison qui le fait aimer. L'amour des amis l'emporte, dans le premier sens, sur l'amour des ennemis, les amis étant un objet qui convient mieux à l'amour. Il est plus odieux de détester un ami que de haïr un ennemi. Du côté de la raison qui fait aimer le prochain, l'amour d'un ennemi est plus méritoire, pour deux raisons, Dieu est l'unique motif d'aimer un ennemi, tandis que l'amour d'un ami peut venir d'une autre cause, et, en supposant que ce soit pour Dieu que l'on aime l'un et l'autre, l'amour de Dieu apparaît mieux lorsqu'il nous porte à aimer nos ennemis. Note. On ne mérite point de récompense quand on aime ses amis uniquement parce qu'ils sont tels. De là cette parole du Sauveur, « Si vous aimez vos amis parce qu'ils vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? » Matthieu 5, 46. Mais l'amour des amis est méritoire quand on les aime pour Dieu. Fin de la note. 8. Est-il plus méritoire d'aimer le prochain que d'aimer Dieu? En considérant séparément l'amour de Dieu et l'amour du prochain, l'amour de Dieu est, sans contredit, plus méritoire que celui du prochain, car il obtient par lui-même la souveraine récompense, promise par ses paroles à celui qui aime Dieu. Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père. Et je me manifesterai à lui. Jean 14, 21. Mais si vous envisagez l'amour de Dieu avec exclusion de l'amour du prochain, et que vous supposiez, d'un autre côté, que le prochain soit aimé pour Dieu, l'amour du prochain l'emportera sur l'amour de Dieu, qui est, dans cette hypothèse, imparfait et insuffisant, d'après cette parole de Saint Jean, nous avons reçu ce commandement, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4, 21. Note. On dira peut-être que l'apôtre a préféré l'amour du prochain à l'amour de Dieu, lorsqu'il a dit, « Je désirais être anathématisé par le Christ pour mes frères. » Romains 9, 3. On apporte deux réponses à cette difficulté. La première, que l'apôtre parle du temps où il était encore infidèle, et qu'il n'est pas à imiter en cela. La seconde, que cette parole prouve seulement qu'il aimait Dieu plus que lui-même, et non pas qu'il aima le prochain plus que Dieu. En effet, afin que Dieu fût glorifié dans le prochain, voilà l'amour de Dieu, il consentait à être privé momentanément de la béatitude. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.